Chapitre 6. Grand changement en France. Lorsque M. d'Iberville revint, au mois de juin 1700, de grands changements étaient survenus en France. Louis XIV avait ramené à la paix toute l'Europe coalisée contre lui. Délivré de graves difficultés, il était déterminé à s'occuper exclusivement du bien-être de ses sujets, du développement du commerce et de l'industrie, et enfin des établissements. Pour bien envisager ces changements, il faut faire quelques retours sur les événements précédents. De 1690 à 1700, quatre grandes nations, l'Angleterre et la Hollande, l'Allemagne, l'Espagne et la Savoie, s'étaient réunies contre la France. Et malgré ces coalitions et les efforts réunis depuis 10 ans, le roi, à force de ménagement et aussi de succès victorieux, était parvenu à se faire accorder une paix qui lui assurait une autorité encore prépondérante en Europe. Le roi, dès le commencement, avait jugé dans sa sagesse qu'il ne pouvait prolonger indéfiniment une lutte qui était un si rude fardeau pour ses sujets. Aussi, plusieurs fois, il chercha à se faire accorder des conditions convenables d'arrangement, qui furent rejetées avec dédain, par des ennemis fiers de leur puissance et confiants dans leur nombre. Alors le souverain, déçu dans ses tentatives, résolut de demander à la victoire ce que les voies de conciliation n'avaient pu obtenir, et il y réussit d'une manière inespérée, grâce à cette force et à cette intrépidité qui se révélait encore si merveilleusement dans le peuple qu'il gouvernait. Il put mettre 400 000 hommes sur pied, des troupes aguerries et habituées à vaincre. Il disposa ses forces et ses généraux suivant les centres d'attaque, et la victoire secondant ses desseins, il inspira à la France un élan et un enthousiasme dignes de la plus grande nation militaire. Les succès étaient si nombreux, si multipliés, que les coalisés, tout en espérant qu'ils finiraient par lasser la France et l'accabler, pouvaient prévoir qu'ils sortiraient d'ici là épuisés et anéantis. Au bout de 10 ans de lutte, les Anglais et les Hollandais réclamaient la paix. Dans ce laps de temps, les Français avaient remporté plusieurs victoires et enlevé aux ennemis pour près d'1 milliard de marchandises. Les Espagnols ne savaient quel sort attendre. Ils avaient été chassés de la Navarre et du Roussillon. Ils avaient perdu la Catalogne avec les villes principales Gironde et Barcelone. Le roi de Savoie avait perdu plusieurs batailles rangées, et il avait vu succomber 10 villes principales. L'Allemagne avait été chassée de la Flandre, de la Lorraine, de la Franche-Comté, du Palatinat et dans toute la Confédération. L'on ne savait que prévoir. La paix de Ryswick, appuyée par les succès des armées de terre et de mer, dans lesquelles les exploits d'Iberville au nord de l'Amérique eurent leur part, avait calmé les esprits et conservait à la France un prestige incomparable. Le roi avait fait, il est vrai, de grandes concessions, mais il avait gagné bien des avantages, étant en paix avec l'Allemagne et avec l'Espagne. Il savait en ce moment que malgré les efforts de l'Autriche, la succession au trône d'Espagne était assurée à l'un de ses enfants. Il avait reconnu l'autorité du roi d'Angleterre et n'avait rien à craindre de ce côté. Débarrassé de ses plus grands soucis, il ne songea plus qu'à rétablir les finances, à procurer le bien-être à ses sujets et à assurer la prospérité des établissements extérieurs. Il licencia la moitié de ses troupes, réduisit les impôts, suivant les sages traditions laissées par Colbert, et commença à donner le plus grand essor aux Indes orientales. La France y possédait un territoire immense, avec des points d'une grande importance, parmi lesquels Chandernagore et Pondichéry, qui en quelques années devaient compter 50 000 âmes. Quant aux Indes occidentales, le roi en comprenait très bien l'importance. Il pensait, d'après Vauban, que l'on pouvait y établir l'un des plus grands royaumes du monde, avec la Nouvelle-France, le cours du Mississippi, la Louisiane et enfin les Antilles françaises, dont Saint-Domingue formait la partie principale. Saint-Domingue donnait la clé des possessions espagnoles du Mexique, du Pérou, du Quito, en fournissant l'accès à Carthagène, à Porto Bello et à la Veracruz. Quant à l'embouchure du Mississippi, son occupation donnait l'accès aux richesses de la Louisiane, que Sa Majesté avait fait découvrir depuis plusieurs années, et qui révélait dans le Nouveau Monde un monde nouveau. Les nouvelles que M. d'Iberville apportait répondaient bien aux desseins des autorités souveraines. il arriva en France au premier jour de juillet 1699. Il commença par licencier son monde et décharger ses bâtiments. Et en même temps, il envoyait une copie de son journal à M. de Pontchartrain, ministre de la Marine. Celui-ci lui en accusa aussitôt réception. Il lui demanda de plus amples détails pour la satisfaction du roi, et en même temps il lui fit pressentir la nécessité d'un second voyage. On destina aussitôt deux bâtiments, la Renommée de 45 canons et la Gironde pour la nouvelle entreprise. M. de Pontchartrain voyait que les oppositions ne manquaient pas, mais il savait que le roi ne voulait en tenir aucun compte. Les gens de Montréal, parmi lesquels M. de Longueuil et M. Lebert, les plus proches parents de M. d'Iberville, avaient écrit que l'occupation du sud de l'Amérique pouvait nuire gravement aux établissements de la Nouvelle-France. Le gouverneur de Saint-Domingue, de son côté, voyait avec ombrage cette nouvelle expédition. Il pensait que ce serait une disgrâce pour les possessions françaises aux Antilles. Il disait dans ses lettres qu'on allait susciter l'agression des Espagnols. Suivant lui, il pouvait mettre 100 000 hommes sur pied et soulever les sauvages, qui étaient au nombre de plusieurs millions, disait-il. « Je crois, ajoutait-il, que M. d'Iberville est un très honnête homme, et bien intentionné, mais il faut se défier de son esprit d'entreprise. » De plus, des officiers supérieurs de la marine, prévenus contre les succès d'un officier canadien, répandaient le bruit qu'il ne réussirait pas mieux que La Salle, que son expédition avait été malmenée parce qu'il avait fait trop de retard, qu'il n'avait pas su ménager ses provisions, etc., etc. Enfin, qu'il fallait appréhender que les 80 hommes placés à Biloxi ne fussent exposés au même sort que les gens de La Salle. M. de Pontchartrain, voulant être à même d'éclairer le roi sur ses objections, demanda à M. d'Iberville de faire un mémoire sur l'importance de son établissement. M. d'Iberville répondit aussitôt par un factum d'une dizaine de pages. Il avait déjà exposé les avantages que le Canada retirerait de cette entreprise, qui donnerait les moyens de communiquer avec toute l'Amérique centrale, par le Mississippi, où les Canadiens avaient déjà des stations importantes. Il montrait ensuite la possibilité de se saisir du Mexique, où se trouvaient des trésors. Enfin, il affirmait la nécessité d'arrêter l'extension continuelle des Anglais, déjà trop puissants. Ensuite, M. d'Iberville énumérait les sites occupés par les Espagnols sur le golfe du Mexique, et leur peu de valeur. Puis il signalait les conditions favorables pour le commerce des pelleteries et autres produits. Il finissait en affirmant que dans ces régions, presque tropicales, on pouvait récolter les productions des Antilles. M. de Pontchartrain répondit en recommandant à M. Duguay, l'intendant de la marine à Rochefort, d'activer l'armement des navires destinés à l'expédition. Il envoyait en même temps la liste des officiers nommés par le roi sur la Renommée, bâtiment de 50 canons. M. d'Iberville commandant, M. de Ricouart lieutenant, le sieur Duguay enseigne, le sieur Desjordy, le sieur de Haute-Maison et le sieur de Sainte-Hermine, garde de marine. Dans l'équipage, il devait y avoir 50 Canadiens réunis à Rochefort. M. d'Iberville emmenait avec lui un de ses cousins, M. Le Sueur, militaire plein d'expérience, et son frère de Châteauguay, âgé de 14 ans. C'était lui qui était destiné de devenir un jour gouverneur de la Guyane. Sur la Gironde se trouvait le chevalier de Surgères, commandant, M. de Villautrey, lieutenant, le sieur de Coursière, lieutenant en second, etc. M. d'Iberville et M. de Surgères, pour récompense de leur service, recevaient le titre de chevalier de Saint-Louis. Le roi nommait ainsi M. de Sauval, commandant du fort de Biloxi, et M. de Bienville, âgé alors de 20 ans, lieutenant. En même temps, M. Duguay recevait l'ordre de donner à M. d'Iberville tout ce qu'il avait demandé pour l'armement du fort de Biloxi. 10 pièces de canon, 2 000 boulets, 400 paquets de mitraille, 17 000 livres de poudre à mousquet.